Mon âme est une infante. Mon âme est une infante en robe de parade, dont l'exil se reflète, éternel et royal, au grand miroir désert d'un vieil escurial, ainsi qu'une galère oubliée en la rade. Au pied de son fauteuil, allongé noblement, deux lévriers d'Écosse aux yeux mélancoliques chassent, quand il lui plaît, les bêtes symboliques dans la forêt du rêve et de l'enchantement. Son page favori, qui s'appelle Naguère, lui lit d'ensorcelants poèmes, à mi-voix. Cependant qu'immobile, une tulipe au doigt, elle écoute mourir en elle leur mystère. Le parc, alentour d'elle, étend ses frondaisons, ses marbres, ses bassins, ses rampes à balustres, et, grave, elle s'enivre à ces songes illustres que recèlent pour nous les nobles horizons. Elle est là, résignée, et douce, et sans surprise, sachant trop pour lutter, comme tout est fatal, et se sentant, malgré quelque dédain natal, sensible à la pitié, comme l'onde à la brise. Elle est là, résignée, et douce en ses sanglots, plus sombre seulement, quand elle évoque en songe quelque armada, sombrée à l'éternel mensonge, et tant de beaux espoirs, endormis sous les flots.